Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp sur les dangers de la possession supramentale. Je vais lire ce qui est écrit là-dessus, puis on va continuer là-dessus. Parmi les grands dangers qui guettent ceux et celles qui se conscientisent, il y a la possession supramentale. L'énergie supramentale peut en effet posséder le canal qui lui permet l'expression planétaire, l'homme. Bien que salvatrice en essence, l'énergie supramentale fait souvent souffrir ceux qui l'accueillent. Rappelez-vous Jean le Baptiste ou Jésus. Il y en a d'autres que ça qui ont souffert de l'énergie. On y allait tantôt. Il y a déjà plusieurs martyrs de la transition supramentale. Il y a aussi des possédés. Il est important de savoir ce qu'est cette possession et comment l'éviter. Qu'est-ce que c'est la possession supramentale? Il y a plusieurs formes de possession supramentale. La première, c'est un état psychologique qui fait en sorte qu'un ego est convaincu d'être assujetti de l'intelligence supramentale, alors qu'en réalité, il est assujetti à de l'énergie supramentale astralisée, c'est-à-dire à de l'énergie supramentale mémorisée. Il n'est pas possédé par de l'intelligence supramentale. Non, il est possédé par un facteur qui ressemble à l'énergie supramentale, donc il est de toute façon possédé par un phénomène supramental quand même, c'est-à-dire même si c'est mémoriel, ça reste supramental, sauf qu'étant mémoriel, ça ne peut pas s'adapter. Est-ce que c'est astral? C'est de l'énergie supramentale astralisée, donc c'est de la mémoire d'énergie supramentale dans l'astral. C'est de l'astral, mais c'est de l'astral supramental. Qu'est-ce que la différence entre de l'astral et de l'astral supramental? Ben, la différence, c'est exactement comme un tremblement de terre, c'est-à-dire que si tu as une secousse particulière dans une région donnée, l'onde va pour s'en aller, et lorsque l'onde frappe un bâtiment, elle monte dans le bâtiment. L'individu qui est sur un étage quelconque va ressentir la secousse. Ce n'est pas la secousse du sol, c'est la secousse dans le bâtiment. Il y a une oscillation qui fait que le bâtiment rentre en vibration, puis s'il rentre en harmonie avec la secousse tellurique, qui s'effondre. Mais on a donc là l'exemple d'une énergie qui n'est pas celle du bâtiment, qui n'est pas celle du sol non plus. Dans le phénomène supramental, c'est similaire, c'est-à-dire que l'énergie supramentale, lorsqu'elle pénètre dans la mécanique astrale, elle devient astralisée, mais la teneur de l'astral est supramentale. Si je prends des produits chimiques particuliers qui ne sont pas toxiques, si je les amalgame ensemble, ils deviennent toxiques. Si je prends ce produit, je le mange, je vais mourir. Mais je ne suis pas mort de tel et de tel produit, je suis mort de l'ensemble des produits. L'énergie supramentale astralisée, c'est de l'énergie supramentale. Donc, c'est supramental, sauf que ce n'est pas instantané, c'est mémoriel. Parce que c'est mémoriel, ça a donc une caractéristique astrale, donc psychologique. Et parce que ça a une caractéristique psychologique, on appelle cela de l'astral. L'énergie astrale, elle a la même saveur que l'énergie supramentale, mais elle est limitée. Est-ce que c'est plus dangereux d'être possédé par de l'énergie astrale supramentale que par de l'astral? Non, ce n'est pas dangereux, c'est dangereux pour les autres. Quand on est possédé par de l'énergie astrale supramentale, c'est que l'on a encore un ego suffisamment puissant pour que cet ego s'associe, donc pour que l'astral s'associe totalement au phénomène astral supramental, et cela engendre ce que j'appelle, moi, des martyrs de la transition supramentale. Ce qu'a été d'ailleurs Jean le Baptiste, et ce que n'a pas été le Nazaréen. Et il y en a beaucoup d'individus qui, aujourd'hui, vivent sur la corde raide, c'est-à-dire ils vivent au niveau de la santé, au niveau de la finance, au niveau des amis, au niveau de plusieurs choses. Sur une corde raide, ces individus sont possiblement en contact avec une forme de manipulation, donc dans une pré-possession astralo-supramentale, c'est-à-dire que ces individus ont trop d'ego et sont reliés à un canal qui est de la mémoire d'énergie supramentale dans l'astral. Étant donné que c'est de la mémoire, ce qui y arrive, c'est qu'étant donné que les individus ont trop d'ego, ils essaient d'ajuster la nouveauté, le phénomène supramental, à des choses traditionnelles, à des choses qui sont vieilles, ce qui fait en sorte que les individus appliquent maintenant mal les lois du poisson, les lois de l'air piscéenne, et ils appliquent mal les lois aquariennes, les lois de l'air du Verseau, c'est-à-dire que les individus ne sont pas capables d'appliquer de nouvelles lois parce qu'ils les ont adaptées, colorées par les vieilles lois. C'est ce qui fait que les individus se ramassent sur la corde raide. Ils n'ont donc rien compris. C'est pour ça qu'ils se ramassent là. Mais est-ce qu'on est sur la corde raide absolument nécessairement parce qu'on n'a rien compris? Absolument. Est-ce qu'à partir du moment où on a compris, on arrête d'être sur la corde raide ou est-ce que la corde devient plus large? Non, non. Quand on a compris, maintenant, il faut faire attention. Si tu comprends un centième de ce que tu devrais comprendre, nécessairement, la corde devient un petit peu plus large. Mais l'individu qui est sur la corde raide est un individu qui n'a absolument rien compris. Quand je dis qu'il n'a rien compris, il a appris. Il a appris beaucoup de mécanique, il a appris la manipulation, il a appris plusieurs choses à faire, il a appris comment s'en sortir, il a appris comment dormir, il a appris comment ne pas sécréter, il a appris à s'en égoïser, il a appris bien des choses. Mais il n'a rien compris. Donc, vu qu'il n'a rien compris, il s'associe inconsciemment puis certains même consciemment, les MTS avancés, les martyrs de la transition supramentale, et ils s'associent à de l'énergie égoïque, donc de l'énergie d'orgueil, reliée à un plan de mémoire supramentale, l'astral supramental. Mais nécessairement, c'est parce que les individus n'ont rien compris, ils n'ont qu'appris. Mais si je regarde dans le passé, disons dans le dernier mois ou les deux derniers mois seulement, là, en dehors des autres conférences que tu as faites avant, puis que j'aurais appliqué tout ce que tu as dit dans les quatre dernières semaines ou des huit dernières semaines, effectivement, énormément de choses là-dedans qui se mettent en pratique et puis qui sont applicables et qui donnent des résultats. Oui, mais on, mais ne on peut reste les appliquer... sur la corde de l'aide. Non. Non, parce que mais dans les choses. Pourquoi on reste. Ben moi, je le sais que moi, je reste sur la corde de l'aide. Oui. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Peut-être 99 ou 100% de ce que tu as appliqué. C'est-à-dire que j'aurais appliqué des choses pour les en les ayant apprises et non comprises. Oui, maintenant, c'est évident que tu vas lentement tendre à te dissocier de la corde raide parce que tu comprends des choses, mais l'individu qui ne se dissocie pas, c'est qu'il n'a pas compris. C'est très simple, c'est qu'on doit comprendre. On passe notre temps chialer contre notre vie, contre ceci, contre cela, sauf que la majorité des événements qui nous arrivent sont des baromètres. Ce sont des événements qui nous permettent de jauger notre évolution. Plus ça monte, plus ça va, plus ça baisse, puis moins ça va. Quand on est sur la corde raide, c'est qu'on est suffisamment utilisable par l'intelligence supramentale, disons spirituellement qu'on est important. Et lorsque nous sommes importants pour notre esprit, c'est-à-dire que le véhicule biologique ainsi que ce qui le constitue du point de vue astral, a suffisamment d'évolution, a suffisamment de liberté, a suffisamment de probabilité de libération des mécaniques de manipulation astrale, et ces véhicules corporels, donc notre corps physique, devient utilisable du point de vue de nous-mêmes, nous sommes importants, mais c'est une vraie farce, ça devient utilisable. Étant donné que c'est utilisable, ça ne va plus dans le trou, c'est-à-dire que ça ne peut pas tomber, ça ne peut pas rétrograder réellement, quoique l'ego peut en avoir l'impression, mais c'est ce qu'on appelle la corde raide, ça va nous acculer sur le bord d'un précipice sans nous pousser dans le précipice. Ça, c'est un individu qui n'a rien compris. Et la majorité des individus qui se conscientisent présentement, ceux qui sont conscientisables ou ceux qui sont à caractère transportable, ces individus n'ont rien compris, ils apprennent. Pour le bénéfice de ceux qui entendraient pour la première fois le terme « la corde raide », j'aimerais que tu spécifies ce que tu entends par être sur la corde raide. Bon, un individu qui se conscientise, un individu qui évolue, progressivement, il se fait des ennemis. Les premiers ennemis qu'il va se faire, c'est normalement dans son entourage. Donc, il se retrouve rejeté. L'individu qui se conscientise supramentalement, l'individu qui commence à accepter des choses neuves, un individu qui commence à vibrer du neuf, à refuser la tradition, à refuser les vieilles réponses et même à refuser les vieilles questions, à réajuster les vieilles questions, à inventer de nouvelles questions, celui donc qui se conscientise vers quelque chose de neuf, cet individu, progressivement, donc s'il ne comprend pas, progressivement, il va normalement perdre son argent, même s'il en rentre beaucoup, il en sort plus qu'il peut en rentrer. Bien souvent, ils perdent leur emploi. Normalement, ils vont perdre leurs amis. Plusieurs perdent leur santé, et ils perdent aussi le goût de vivre, et ils perdent les buts dans la vie, parce qu'évidemment, les buts dans la vie sont des buts qui sont illusoires. Lorsque l'individu se conscientise, lentement, il les détruit. L'individu finit par perdre toutes les raisons émotives qui l'autoriseraient à vivre, mais il n'a pas encore de raison intelligente pour continuer. C'est la corde raide psychologique. Et beaucoup d'individus vont donc se retrouver sur une corde raide financière. Et quand je parle de corde raide, comme je disais à un moment donné dans un séminaire, celui qui n'est pas encore assez pauvre, c'est qu'il n'est pas encore assez conscientisé. C'est plus ou moins vrai. C'est évident que dans l'avenir, les individus qui vont se conscientiser ne subiront pas tous le test, l'épreuve de la corde raide, parce qu'il y en a d'autres qui vont être passés avant eux, et nécessairement, ça aura laissé des traces dans l'astral, ce qui va permettre aux égaux de se fier à ce genre de traces et d'arriver à comprendre qu'ils doivent comprendre plutôt que d'apprendre. Donc, la corde raide, c'est une espèce de région qui est psychologique, qui est financière, qui est matérielle, où tu as des dettes. Et même, bien souvent, la corde raide vient à un point où tu peux avoir 200, 300, 400 000 $ de dette. Pour certains individus, c'est ce qui arrive. Et ils peuvent ne pas avoir payé des comptes depuis un an. Mais personne ne se plaint. La banque ne court pas après, ils ne perdent pas rien. Ils ne comprennent pas pourquoi. J'ai connu une personne, moi, qui n'a pas payé ses impôts pendant plus de quelques temps, un an et demi, des impôts de compagnie. C'est pas pareil comme les impôts particuliers. Les impôts particuliers, ça prend quelques années avant qu'ils te trouvent. Mais il ramassait, il avait des retenues salariales et il ne les payait pas. Il devait payer ses dettes avec des dettes de compagnie. Et pendant un an et demi, le gouvernement, les deux gouvernements ne se sont jamais rendus compte que les retenues salariales n'étaient pas payées. Et après un bout de temps, quand il a compris certaines choses, il a eu un peu d'argent. Mais quand on est sur la corde raide, quand il te rentre 10 000, c'est parce qu'il y a un compte qui rentre de 10 000. Bon, ça c'est la corde raide. On, on te donne l'argent uniquement lorsque, dans l'astral, certains individus ou certains systèmes n'est plus capable d'attendre. Ils vont te taper dedans, alors il y a de l'argent qui est libéré quelque part, ça devient, mais ça passe immédiatement. Tu viens de faire 500 $, tu as 500 $ de réparation sur ton automobile. Corde raide. Cet individu s'est pointé au gouvernement lorsqu'il a eu un peu d'argent. Il leur a dit, voilà, je vous dois... Il leur a expliqué la situation. Au gouvernement du Québec, on lui a dit que c'était impossible. Les ordinateurs l'auraient su depuis longtemps. Alors, il leur a demandé de vérifier. Ils ont vérifié, c'était vrai. Au palier fédéral, c'était la même chose. Ils lui ont dit que c'était impossible. Là, il a fallu qu'ils fassent un peu plus de pression pour qu'on ose bien vérifier. On se fie tellement au système. Et finalement, c'était vrai aussi. Alors, il n'y a pas eu d'amende parce que... Il y a eu quelques amendes, mais pas plus qu'il faut, parce qu'il était venu lui-même, disons, se livrer. La corde raide, c'est quelque chose qui te permet de ne pas payer ton loyer pendant un an sans que le propriétaire s'en rende compte. Et ça existe aussi, il y a des gens qui le vivent. Tu es toujours à la limite de tomber, mais tomber, c'est moins pire que de rester sur la corde raide pour la majorité des humains. Évidemment, réussir, c'est encore moins pire. Et voilà ce que c'est la corde raide. L'individu est toujours apparemment mal pris, sauf qu'il n'est jamais mal pris. Tu peux être sur la corde raide depuis un an, être endetté par-dessus la tête, puis tout le monde pense que tu es riche. Est-ce que tu es sur la corde raide et tu vas rester sur la corde raide tant et aussi longtemps que ça va te déranger dans cette situation-là? Ah non, moi, c'est réglé. Mais, pas tu, hein, mais en général, est-ce que l'humain est... Si je suis sur la... Je vais prendre mon exemple. Si je suis sur la corde raide et puis que demain matin ou ce soir, je dis « OK, ça me dérange plus d'être dans cette position-là. » C'est, non, dangereux, c'est dangereux que je me que ce soit l'ego qui se convainque que oui. Ça ne dérange plus. C'est que ce n'est pas une question que ça me dérange pas, c'est si, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la foutaise astrale. C'est pas question que ça dérange. Ça ne doit pas déranger de toute façon si l'être humain, c'est un égoïste. La problématique de la corde raide, c'est qu'elle peut être aussi collective. C'est une forme de karma d'évolution où tu n'es plus associé aux lois du passé, donc tu as de la difficulté à réussir dans cette vie, mais où tu n'es pas encore associé aux lois de l'avenir, ce qui fait que tu as encore un peu de difficulté. C'est parce que tu n'as pas compris. Mais vu que ça peut être collectif, c'est-à-dire que tu peux... Si moi, je m'associe à toi et que tu es sur la corde raide, je vais devoir partager un peu ta corde raide. Et si tu es un peu plus énergétiquement, un peu plus puissant que moi, nécessairement, tu vas me déshabiller au complet. Et je vais me ramasser moi aussi sur la corde raide. Il faudrait maintenant qu'on s'en sorte tous les deux, ou que le plus puissant des deux s'en sorte avant l'autre. Alors, ce qui fait que l'individu qui dit « Bon, ben, moi, ça me dérange plus », ça, c'est très intéressant que ça ne te dérange plus. Mais peut-être que tu n'as pas encore suffisamment subi le sort. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'est-ce qu'on doit faire pour se défaire de la corde raide? Est-ce que c'est dans la possession justement supramentale astralisée qu'on va rester sur la corde raide? Oui, c'est une grosse possession supramentale, celle de la possession astralisée. Et l'individu doit comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour comprendre? Hein? Qu'est-ce que vous devez faire pour comprendre? Quand vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Puis quand vous voulez comprendre, bien, vous allez comprendre quand vous allez comprendre. C'est un problème. L'individu ne peut pas décider qu'il comprend. C'est je vais comprendre. Parfait. Fait que la longueur de la corde raide est prédéterminée, mais pas par celui qui marche dessus. De toute façon, l'humain est manipulé, c'est pas lui qui détermine non plus la corde raide, c'est même pas l'humain qui détermine qu'il s'aime à évoluer. À un moment donné, il se rend compte qu'il le voit, sa vision a changé, il découvre qu'il évolue, mais c'est pas lui qui décide. Qu'est-ce qui détermine que la corde... Premièrement, que la corde va disparaître, la corde raide, elle va disparaître, elle va changer en route ou elle va tomber dans le vide? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? Tu tombes dans le vide ou tu tombes sur le solide? Parce que t'as déjà dit que tomber dans le vide, s'il y a pas de fond, ça fait pas mal. C'est évident. C'est s'il y a un fond que ça fait mal. Exact. Est-ce que en dessous de la corde raide, c'est un plancher ou c'est un trou avec un fond? Bon, ou un trou pas de fond? Les deux choses. Si tu tombes dans un trou astral, nécessairement, il y aura un fond, il y aura des murs, il y aura des arêtes, des couteaux, il y aura des pleurs et des grincements de dentiers. Bon, si tu tombes dans un trou qui est supramental, bien, le trou pas de fond, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème, tu ne seras jamais mal. Par contre, tu seras toujours dans une forme d'insécurité. Tant que tu auras de l'ego. La problématique, c'est l'ego. L'ego, il sort un paquet de bras et il essaie de s'agripper au mur, mais le mur est brûlant, nécessairement, ça fait mal. Lorsque l'individu comprend, qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Ça veut dire nécessairement mettre en application, mais ça ne veut pas dire mettre en application uniquement parce que nous appliquons une technique. Ce n'est pas mettre en application en fonction d'un désir émotif. Ce n'est pas mettre en application en fonction de peur psychologique. Par exemple, l'individu qui décide d'appliquer le yoga, il dit « je vais faire du yoga parce que ça va me garder jeune ». Mais il n'y a pas de raison intelligente d'être gardé jeune, donc il fait du yoga émotivement. Le gars, il va dire, ou la fille, il va dire « bon, mais moi, je vais faire de la course à pied parce que ça va me mettre en forme ». Mais pourquoi te mettre en forme? C'est la problématique. Et l'individu va dire « je vais maigrir parce que je vais être plus belle, je vais être plus beau ». C'est toujours des facteurs émotifs. La personne qui se conscientise, elle est plus importante qu'elle se considère elle-même. J'ai déjà fait une conférence sur le médiocrisme. J'ai dit plusieurs choses dans le passé qui vont de toute façon se vérifier de plus en plus. Dernièrement, on parle de l'éclatement. On a parlé un peu dans la conférence réservée aux séminaristes, on a parlé un peu aussi dans les conférences régulières. Il y a des individus qui, à un moment donné, vont avoir tellement de pression interne d'énergie amenée et par l'ajusteur de pensée et par le canal réincarnationnel, qu'à un moment donné, l'ego va vouloir se pousser, l'ego va rentrer dans le canal réincarnationnel, que certains aussi appellent la corde d'argent, et il va le boucher. Le bouchant, il dit ceci, il désassujettit l'âme des manipulations réincarnationnelles qui se font 24 heures sur 24. Il reste associé aux manipulations de sa génétique, donc des 30 millions d'êtres humains familiaux qu'il réincarne. Par contre, l'énergie supramentale, par son double éthérique, va commencer à couler à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que l'être humain, présentement, met de l'énergie dans le monde de la mort, en priant, en espérant, en sécrétant émotivement, etc. Et il met aussi de l'énergie dans le double éthérique lorsqu'il s'en égoïste. Il vient un temps où l'énergie coule dans le canal ajusteur de pensée et elle remplit l'âme, repoussant l'ego. Quand l'âme est suffisamment pleine, l'individu sent une pression. Cette pression, ce n'est pas une pression barométrique, c'est une pression qui te donne l'illusion que ce que tu cherches est tout proche, que le temps est presque accompli, que c'est presque arrivé, que tu vas aboutir. C'est cette forme de pression qui n'est pas c'est une pression mentale, alors décodée par l'ego, c'est quelque peu différent, c'est-à-dire que l'ego peut prendre ça comme de l'espoir, comme de la foi. La foi, c'est dangereux, parce que la foi, ça peut faire en sorte que tu vas repousser dans le temps, jusqu'à ta mort, l'idéal, enfin, le phénomène que tu devrais vivre, uniquement parce que tu te nourris juste de croire que ça va venir. Alors que l'humain doit tolérer pendant un laps de temps ce genre de choses, mais finalement, il doit se nourrir de l'événement, non pas juste de la croyance de l'événement. Est-ce qu'il faut en douter de l'événement pour qu'il arrive plus vite? Bon, ça, on va y revenir. Il faut en douter, oui. Pour qu'il arrive plus vite, oui. Il faut en douter d'une façon neuve, c'est-à-dire que dans le passé, on a parlé dans l'Antiquité, on parlait de l'humilité. L'humilité, c'était un facteur absolument essentiel à l'évolution, à la libération de l'homme. Sauf que l'humilité, les êtres humains devenaient humbles, ils s'en vantaient. Alors, nécessairement, c'était de l'humilité astrale, c'est-à-dire que tu ne comprenais pas, mais tu appliquais la technique. Alors, tu essayais de ne pas te vanter de tes actions. Mais encore là, c'est comme les pharisiens, ils allaient prier dans la rue, tout le monde savait qu'ils priaient. Ah, ils ne se vantaient pas, mais il n'y a pas besoin de se vanter non plus. Hein, tout le monde le savait. Bon, ils les priaient sur tous les toits. Lorsque l'être humain devient plus conscient, il doit faire, il doit devenir quelque chose que moi j'appelle anégoïque, anégoïsation. Et là, l'anégoïsation est un terme beaucoup plus juste que l'humilité. Pourquoi? Parce qu'elle implique nécessairement la dissolution de l'ego, donc elle implique la dissolution de l'orgueil. Et là, c'est l'humilité réelle, c'est-à-dire qu'un être humain qui est anégoïque ne le sait pas. Vu qu'il ne le sait pas, il est totalement humble. Quand tu parles d'être légèrement négatif, dans le passé, on parlait du détachement, détachez-vous des choses. Mais comme c'est vécu par un facteur psychologique et émotif, l'être humain se détache de la matière, il donne tout, se détache de l'humain. Alors il laisse sa femme, son mari, il laisse ses enfants, il laisse tout. Et il se détache de son corps physique, alors il le mortifie, il couche à la pluie dehors, etc. Il y a une autre forme de détachement qui est ce détachement plus supramental, c'est-à-dire qu'au lieu de se détacher uniquement parce qu'on a vu quelqu'un le faire et ça a fonctionné, Bouddha s'est détaché. Et un jour, il mangeait, il se nourrissait d'un seul grain de riz par jour. Ben, on se demande comment il a fait. Ben, il a fait ça pendant 3 jours. Hein. C'est pas été bien compliqué, ça. Mais n'empêche. Alors, Bouddha s'est détaché jusqu'à un moment donné où il a découvert que le détachement par principe était une farce. Que l'humilité par principe était une farce. Il a donc enseigné une nouvelle farce, la voie du juste milieu. Bon. Sauf que l'être humain qui est légèrement négatif est un être humain qui détache son ego d'un facteur. Mais ça, on peut y revenir un petit peu plus tard. Être négatif, un peu astralement, égoïquement, psychologiquement, c'est se détacher. Ça ne veut pas dire être contre, ça veut dire que c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, mais tu le fais quand même. Et il faudra voir à un moment donné pourquoi tu le fais pareil. Parce que tu dois faire quelque chose, parce que tu dois accomplir quelque chose, parce que c'est logique et intelligent que ça se fasse. Il y aura quelque chose qui va te pousser, mais astralement, tu sentiras que... Et voilà, c'est une forme de détachement. Ton ego est détaché. Alors là, la corde raide, elle risque aussi de s'éloigner de toi. Mais la possession supramentale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle obnubule totalement la conscience des humains. C'est-à-dire que, quand on parle de possession supramentale, il y en a deux formes. Donc, il y a celle de l'astral supramental, c'est d'elle qu'on parle présentement. Elle fait en sorte que continuellement, on a l'impression d'avoir compris, alors qu'on a appris la compréhension d'un autre. Et il faut absolument voir la subtilité de ce genre d'illusion, de mensonge finalement, à travers l'évolution. C'est que si vous avez compris, vous êtes capable d'en faire une conférence. Si vous avez appris la compréhension, vous pouvez répéter ce que vous avez appris de la compréhension de l'autre, mais vous ne pourrez pas aller plus loin que la compréhension de l'autre. Alors l'individu qui applique une technique, s'il n'est pas capable de réinventer la technique, s'il n'est pas capable d'améliorer la technique, d'ajuster la technique, sans se dire, voyons donc, ce qu'ils m'ont appris, c'est pas bon, regarde, moi je le fais de même, puis c'est mieux. Ça n'a rien à voir, c'est que l'individu commence à comprendre. Si je prends l'exemple de ce que tu dis dans l'anégoïsation, ça voudrait dire que si je suis complètement anégoïque, même si je voulais être égoïque, je ne serais pas capable. Alors que si j'ai appris ce que tu as dit, ben là, je peux me forcer à être anégoïque, alors qu'en réalité, j'ai encore de l'ego. Exactement. Alors, vu que tu te forces à être anégoïque, c'est extrêmement facile de venir vérifier si tu es anégoïque ou non. Et la façon dont ça se fait normalement, c'est l'intelligence supramentale qui tape sur ton ego. Et étant donné que c'est évolutif, toute l'astralité planétaire tire sur ton ego aussi pour t'empêcher de grimper, ce qui fait que là, tu es non seulement repoussé par en bas par le haut, mais attiré par en bas par le bas. Et ça fait en sorte, normalement, d'amener l'individu sur la corde raide. Mais la problématique de la possession astralo-supramentale, donc reliée à la mémoire de l'énergie supramentale, qui est de l'intelligence active, de l'intelligence qui n'est pas limitée par la mémoire, par l'expérience de l'homme, la problématique, c'est que l'être humain joue tellement à la compréhension qu'il finit par devenir orgueilleux de ce qu'il a appris, donc apparemment orgueilleux de ce qu'il comprend. Étant orgueilleux de ce qu'il comprend, il ne peut pas être anégoïque. Et il grossit son ego, donc il s'égoïse. Je répète encore une fois que l'être humain qui avance doit parvenir à un écœurement sans se déprimer. C'est simple, c'est la clé. Mais pour comprendre au lieu d'apprendre, comprendre réellement, cellulariser, là, oui. Absorber, avaler tout ce que tu dis, puis le vivre, est-ce qu'il faut absolument souffrir ou est-ce que ça peut se faire sans souffrance? Ben, ça peut se faire sans souffrance, mais il faut absolument souffrir. Ben, c'est ça. C'est ça le problème. Explique-moi ça. Ben, c'est facile à comprendre. C'est que quand je dis à un être humain, tout ce que tu as à faire, c'est de... par exemple, une personne qui doit faire une conférence, comme ça arrive de temps en temps, ben, je lui dis, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller t'écraser en avant ou d'aller debout, et puis de commencer à parler. Les 5 premières minutes, ils vont être idiotes, et puis le reste des 55 minutes, ça va être bien bon. Mais c'est très simple, c'est pour l'individu qui s'en va, qui l'essaye, il va réussir. Mais l'individu, il ne va pas l'essayer. Donc, l'individu ne va pas l'essayer, puis quand l'individu va l'essayer, il vient se planter en avant, puis là, après ces 5 minutes, il a toujours été convaincu qu'il aurait 20 minutes comme ça. Alors, il continue, puis il faut quand même qu'il ait raison. Il continue à avoir des problèmes, puis il a des problèmes, puis il a des problèmes, puis il a des problèmes. Et finalement, quand il sort de sa conférence, je savais que je ne pourrais pas être bon. Voilà, c'est simple. Ce n'est pas nécessaire de souffrir, mais l'être humain est tellement programmé par la souffrance, l'être humain est tellement assujetti à l'évolution lunaire, qui est une évolution méritoire. L'être humain a tellement besoin de mériter son ciel qu'il ne veut pas l'accepter gratuitement. Et certains humains disent que c'est honorable. Je te donne un cadeau, tu te mets à ramper à terre autour de moi 4 fois, puis là, tu prends le cadeau, puis tu t'en vas. Tu te sens mieux. Ben, c'est une façon de procéder. C'est pas nécessaire que tu rampes, mais tu rampes. T'es un être rampant. Et pour arriver à comprendre au lieu d'apprendre, oui. Est-ce qu'il faut passer par l'étape de croire? Ben ça sert à rien d'en parler parce que l'humain est déjà passé par l'étape de la croyance depuis longtemps. Mais il y a quoi entre les deux, entre apprendre et comprendre? Est-ce qu'il y en a une autre étape où tu passes de apprendre à comprendre directement? Non. Il y a l'étape où tu crois, tu apprends. Dans l'apprentissage, nécessairement, il y a de la croyance. Il n'y a rien à faire. N'importe quel individu qui apprend de moi ou qui apprend d'un autre, nécessairement, doit procéder par une forme de croyance. La croyance, elle n'est pas dangereuse tant qu'elle est sous la régie de l'intellect minimum et du mental. Si la croyance est sous la régie d'une logistique, donc d'un phénomène qui associe logiquement les choses, la croyance devient une théorie. Si elle est une théorie, elle doit être comme une forme de concept. Si elle est un concept, il n'y a pas de danger parce que l'individu peut changer, abandonner, détruire, améliorer ou transformer en connaissance un concept. L'individu qui croit continuellement, l'individu qui croit sans être conscient qu'il croit, autrement dit, l'individu qui croit consciemment, mais qui n'est pas conscient qu'il croit consciemment, cet individu attache une valeur émotive extrêmement grande à ce qu'il croit, assez qu'il appelle cela la vérité. Lorsqu'il découvre que sa vérité était finalement faisait partie du mensonge cosmique, lorsqu'il découvre que sa vérité est une coloration de la réalité, lui il appelle cela le mensonge, lorsqu'il découvre que sa vérité est un mensonge, et il finit progressivement par vivre une expérience de désillusion face à la croyance. Et c'est de l'orgueil humain. Au lieu de considérer que c'est sa vision de la croyance qui était fautive, il considère que c'est la croyance qui est négative. Alors il essaie d'abandonner la croyance. Mais là, il y a une problématique, c'est qu'il croit que la croyance, c'est à bannir. Donc, il reste dans l'assujettissement de la croyance, mais cela va totalement transformer sa structure de perception psychologique et d'analyse psychologique, parce qu'à un moment donné, il ne va accepter, comme n'étant pas de la croyance, que ce que ses sens lui amènent. Ça devient un intellectualisme extrêmement dangereux, et qui normalement peut devenir un MTS, un martyr de transition supramentale, donc un possédé par l'énergie supramentale astrale. Au lieu d'aller en ligne droite vers un objectif, il va aller de gauche à droite, de gauche à droite, je crois plus, puis... C'est-à-dire que non, au lieu de prendre le fossé à droite, là, il décide qu'il ne croit plus, il prend le fossé à gauche. Mais il ne reste plus sur la route de toute façon. Ben, il n'est plus sur la route, c'est évident. Comment tu fais pour être sur la route? Bon, l'individu qui perçoit la chose, l'individu qui est pris dans cette idée de ne pas croire, il a un gros problème. Pourquoi? Parce que s'il ne veut pas croire, il ne pourra jamais discerner, comprendre, d'apprendre. L'individu qui est dans la phase psychologique du non-croire, celui qui ne veut pas croire à rien, chaque fois que quelque chose de neuf peut arriver, que ce soit une perception intuitive, qu'il ne reconnaît pas comme étant l'un de ses sens, que ce soit une intuition supplémentaire et qu'il ne reconnaît pas non plus, quoi que ce soit la chose, ce n'est pas amené par un de ses sens, et en plus, si ça ne fait pas partie de sa structure analytique logique, autrement dit, si ça ne fait pas partie de la façon dont il a appris à réfléchir, même si ses sens le voient, il va le refuser. Parce qu'il a tellement peur de réembarquer dans l'engrenage de la croyance. Il est encore dedans, mais il ne le sait pas, mais il a peur d'embarquer dedans. La problématique, c'est qu'à un moment donné, l'individu va savoir une chose. Donc, s'il le sait, ce n'est pas qu'il l'a appris, ce n'est pas une connaissance, c'est un savoir, c'est instantané. Il transforme une connaissance en savoir, il transforme un apprentissage en connaissance, en compréhension. Et l'individu qui fait cela ne peut pas discerner. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il est sûr, il se dit « bon, ça y est, je recommence encore à croire ». Parce que l'individu n'est pas capable de faire la part entre l'astral, l'ego, la psychologie, l'âme chez lui, qui ne peut comprendre, mais qui ne peut que croire, donc qui ne peut savoir, mais qui ne peut qu'apprendre, et il ne peut faire la différence entre cette partie qui observe le plan mental, peut-être même la conscience prémentale chez un individu qui est suffisamment conscientisé, il observe le plan mental ne croit pas, le plan mental sait quelque chose, c'est donc compris. Et parce que l'individu vit beaucoup plus au niveau de sa structure astrale, au niveau de sa structure émotive, au niveau des inhibitions qu'il s'est mis par l'expérience contre la croyance, contre les divinités et tout ce qui, à un moment donné, a porté le mot Dieu, on le rejette. Alors, si tu dis, je crois dans les murs, ah, ben les murs, c'est Dieu. Ah, je crois plus dans les murs. Le mot Dieu était dessus, il bannit les murs immédiatement. Alors, ça crée des problématiques. L'individu va tellement rejeter de choses que lorsque le mental comprend, l'astral se dit, comment se fait qu'il comprend? Il ne peut pas comprendre. Là, je recommence encore à croire. Il croit qu'il comprend, puis là, il ne sait plus, puis il est tout perdu, puis finalement, il bannit ça encore, il le rejette encore une fois. Ce qui fait que graduellement, progressivement, qu'on le veuille ou non, l'individu qui est extrêmement intellectualiste, intellectuel, va, et qui a évidemment vécu la phase du rejet de la croyance, cet individu nécessairement se fait totalement posséder pour la simple raison qu'il n'est pas capable de discerner entre quand il sait, de quand il croit savoir, de quand il comprend, de quand il apprend. Comment on fait pour savoir qu'on subit une possession supplémentaire astralisée? Comment on fait pour comment on peut s'en rendre compte, à part d'être sur la corde de raide? Est-ce qu'on peut le discerner, est-ce qu'on peut s'en rendre compte avant que ça nous amène sur la corde de raide? Oui, c'est ça. C'est qu'on peut le discerner avant d'être possédé. C'est assez difficile à discerner lorsqu'on est possédé. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on croie qu'on est possédé. Et dans cette possession, ben, la croyance, elle est totalement placée à côté. L'individu est bâti avec une structure astrale. Les individus, l'homme, est bâti avec une structure qui est une âme. Dans l'âme, il y a de la mémoire, de l'expérience. La mémoire expérientielle agglomérée finit par constituer l'ego qui va être le siège de l'identification, le « je ». Cette partie est la seule partie de l'homme qui n'évolue pas. Elle accumule de l'expérience. La quantité d'expérience accumulée lui donne l'illusion de l'évolution, du fait qu'elle grandit, mais elle grandit en expérience, donc en sagesse, mais pas en savoir ni en compréhension. Elle ne comprend que le passé. Elle croit comprendre le passé, mais elle ne peut pas en expliquer les mécaniques. Elle décrit le passé. On appelle ça un sage. Et cet individu qui est dans cette phase, qui à un moment donné a un contact avec le plan supramental, qui est son esprit, l'individu croit nécessairement. Et lorsqu'il n'avait pas les mots et l'énergie pour comprendre ce qu'était le plan supramental, il prenait des mots plus faciles à comprendre, les mots comme père, les mots comme mère, les mots comme Dieu. Et lorsqu'il a découvert que ces mots ne reflétaient plus la saveur de ce qu'il percevait, il a banni les mots, mais en même temps, il bannit ce qu'il perçoit. Cet individu est un individu qui a tellement peur de se faire récupérer qu'il préfère être récupéré dans le tiroir des non-récupérables, c'est la possession supramentale. L'individu veut tout bannir, comme je l'ai expliqué, sauf ce qui va avec sa logistique. Donc, nécessairement, il n'acceptera que le passé. L'individu qui est là-dessus, avant d'y aller, c'est simple, c'est que l'individu qui se conscientise doit refuser à tout prix d'appliquer toute forme de technique qu'il ne comprend pas. Il doit refuser à tout prix d'appliquer quoi que ce soit qu'il ne comprend pas. Est-ce qu'il peut appliquer quelque chose qu'il sait sans l'avoir compris? S'il le sait... Sans l'avoir appris. Oui, OK, oui, c'est ça. S'il le sait, il l'a compris. Mais faut faire attention. Entre savoir puis comprendre, il y a une nuance aussi. Ben oui. Il y a une nuance aussi, oui. C'est-à-dire que le savoir, c'est insu de l'ego. Et quand tu comprends, c'est que l'ego a accepté le savoir du mental. Maintenant, l'individu, pour ne pas tomber dans le piège de la possession astralo-supramentale, les individus doivent totalement refuser d'appliquer, comme je disais, quoi que ce soit qu'ils ne comprennent pas, mais ils doivent obligatoirement appliquer quoi que ce soit qu'ils comprennent, même s'ils croient que c'est de la croyance. Lorsque tu as totalement compris une mécanique, tu te dis « oui, mais c'est encore de la croyance », tu ferais mieux d'appliquer. Là, c'est un des pièges. C'est la possession astralo-supramentale qui te manipule en te disant, ben, embarque pas là-dedans, tu crois, donc il te teinte ça comme étant une croyance pour t'empêcher d'appliquer ce que tu comprends. Parce que souvent, je parle avec des individus, des personnes qui ont fait le séminaire, et ils me disent toujours, oui, mais c'est dangereux quand on parle de ça, parce qu'à un moment donné, on peut tomber dans une croyance qui, et je dois passer mon temps à le répéter, ça peut pas t'arriver. Pas à toi! Ça peut pas y arriver! Et il y a beaucoup d'individus que ça ne peut plus leur arriver. Mais ils restent assujettis à leur ego, qui l'ego fait toujours en train de dire « Oui, mais, parce que c'est un collectiviste. » Il y a même des personnes avec qui on jase. « Ouais, mais c'est dangereux de dire ça! Imagine-toi ce que l'humain pourrait faire avec... » Hey, on est deux dans la salle. T'sais, l'humain, il sait pas ce qu'on parle. Fait que cesse donc d'avoir peur que, voyons donc, si que ça. Collectiviste. Il y a tellement d'individus qui ne peuvent plus tomber, mais qui continuent, ça fait partie de la fausse humilité de l'évolution supramentale, qui continuent quand même, et c'est une possession astralo-supramentale, à considérer qu'ils peuvent toujours retomber, exactement comme l'individu qui n'a plus de structure pour digérer l'alcool, et qui se dit toujours, je ne vais pas dans une taverne, écoute, je vous mettrai à boire. Ça ne dérange pas que tu boives. Ça va sortir aussi vite, mets une bouteille en bas. C'est pas la revendre. Tu ne la digères pas, tu n'y touches pas, il ne se passe rien. Est-ce que ceux qui sont en conscientisation, qui ont l'impression de marcher dans le vide, est-ce qu'on peut dire qu'en dessous de leurs pieds, il y a un plancher, mais qu'ils ne le voient pas? Ben, ils ont l'impression d'être dans le vide. Ben, c'est toujours ce qui arrive. Il y a un plancher où il n'y en a pas, ils sont dans le vide, ils sont en lévitation, ils sont dans le vide, puis ils tombent. Mais tu sais, quand tu tombes dans l'infini, tu ne tombes pas. Hein? Tu es en état géostationnaire. C'est ce qui arrive. L'individu, juste comment on peut dire? Dans un public comme ici, il y a une personne, certainement, ben oui, qui a de gros problèmes. Et elle se dit souvent, oui, mais ma vie n'est que du chocolat. Bon, c'est que ce n'est que de la merde. Si elle saurait que dans quelques temps, tout va changer, eh bien, elle serait assise sur la même chaise toute défaite, en se disant, la vie est belle. Ça lui donnerait quoi, ça? Ben, ça ne donnerait rien. La seule chose qu'il y a, ce que je te dis, c'est que... Trouver ça plaisant d'être dans... Elle ne trouverait pas ça plaisant d'être dans la merde. Elle cesserait de trouver ça mal plaisant d'être dans la merde. Si c'est astralisé, elle va être contente parce qu'elle va espérer, elle va attendre. Puis là, nécessairement, si elle est conscientisable, elle va repousser son échéance. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que l'être humain, tu dis, est-ce qu'il y a un plancher, mais j'en sens pas. Il y en a un plancher, il y en a une fin, il y en a une solution, il y en a une amélioration. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que l'être humain qui ne comprend pas, et la majorité des individus n'ont rien compris, l'être humain qui ne comprend pas est totalement... connecté sur ce qu'il croit percevoir, et il essaie toujours d'ajuster ce qu'il sait avec ce qu'il expérimente. Et c'est une grosse problématique, ce que tu sais et ce que tu vis, ça n'a rien à voir. Présentement, non, l'être humain, qu'est-ce que l'être humain fait? L'être humain, il se dit, je vais faire un test supramental. Il y a une personne dernièrement qui en a fait un, puis une chance qu'il l'a fait, il a sauvé 25 000 piastres. Bon, un peu moins, la moitié. La personne, elle fait un test supramental. Elle va dire, bon, moi, je vais faire un test supramental. Daniel Kemp a dit que c'était comme ça qu'on faisait ça, puis ça pourrait être utile. Fait que je vais voir si c'est vrai. C'est dangereux, parce que la personne n'a pas compris que c'était vrai. C'est comme de dire, je vais tirer un obus, puis je vais voir si ça, c'est vrai que le, ce nouvel armement-là, il atteint sa cible. Alors tu ouvres le canon, puis tu y vois, on voit si on atteint la cible. Mais que, t'as-tu désigné une cible? Est-ce que t'as pointé le canon vers la cible? Est-ce que tu as donné les informations à la tête tête de guidage au niveau des coordonnées de la cible? Ah ben non, il a dit que ça, c'était un missile qui atteignait sa cible. Ben oui, absolument. Tu peux l'avoir sur la tête. Ben oui, ben c'est ça, il va atteindre sa cible, oui. Il va éliminer l'imbécile de la surface de la planète. L'être humain doit comprendre. Alors savoir, c'est extrêmement fonctionnel quand tu n'as pas d'ego. Si tu n'as pas d'ego, puis que tu sais instantanément ce que tu as besoin de savoir quand c'est nécessaire que tu le saches, mais tu oublies instantanément ce que tu n'as plus besoin de te rappeler quand c'est plus nécessaire que tu t'en rappelles. De ce fait, l'individu se ramasse sur une corde raide psychologique, c'est-à-dire que, mais s'en fout, il n'y a pas d'ego, donc il n'y a pas de corde raide, il ne sait jamais où il reste, mais quand c'est le temps qu'il rentre chez lui, ben il se perd toujours devant la porte de sa maison, donc il rentre, puis c'est là. Bon, il n'y a pas de problème, il ne se perd donc jamais. Lorsqu'il a faim, il a toujours ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de se rappeler. Où c'est que j'ai mis mes clés? Pourquoi tu poses la question? Mais parce que dans 5 minutes, je m'en vais. Oui, mais tu n'as pas besoin de tes clés pour t'en aller. Ben, ça va être utile pour ouvrir la porte de l'auto. Mais si tu te rappelles exactement, donc pas en réalité, non, si tu sais exactement, inconsciemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives à ton automobile, ta main, ça va dans une de tes poches, tu sors la clé, tu la rentres dans la serrure, tu t'assois là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être là pour que tout ça se fasse. Mais l'humain, oui, parce que l'humain, c'est méritoire. Là, l'être humain qui sait, s'il n'a pas d'ego, il n'y a pas de problème. L'être humain qui a accès au savoir instantané, s'il a de l'ego, il doit nécessairement comprendre. C'est-à-dire qu'il doit reconnaître que le mental sait, donc il doit comprendre. L'ego doit comprendre ce que le mental sait. Non, l'ego doit accepter que le mental sait, ce qu'on appelle la compréhension chez l'humain. Ça sécurise l'ego, même si l'ego ne comprend pas plus, ça sécurise l'ego pareil, puis l'ego est maintenant capable de te parler, L'ego est capable de demander au mental de sortir une explication par le centre laryngé ou encore dans la conscience astrale, ce qui semble être l'explication, ce qui prouve à l'ego que l'ego comprend, mais l'ego ne comprend toujours pas. Si tu as de l'ego, tu as un savoir instantané. Si tu ne te rappelles pas où sont tes clés, quand tu vas arriver à ton automobile, si tu as de l'ego, tu ne te rappelles pas neuroniquement où sont tes clés, l'intelligence ne pourra pas te faire trouver. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas la mécanique, tu l'as appris. Alors tu te dis, voyons, pourtant, je devrais. C'est de l'ego qui parle. Tant que l'ego parle, l'intelligence ne passe pas. Tant qu'elle ne passe pas, il n'y a pas de résultat. Alors tu tires ton ogive à tête intelligente, et puis elle manque pas sa cible. Elle atteint exactement la cible, puis sont les coordonnées aléatoires qu'il y avait dedans. Et si l'ego est parti mercredi soir, comme aujourd'hui, c'est l'ego qui conduit, en tout cas qui a dirigé le corps, à conduire l'automobile, à s'emmener dans une conférence comme ici, à payer son entrée, à s'asseoir, à écouter. Puis là, à entendre qu'il y a des mécaniques qui s'appliquent. Oui. Là, cet ego-là décide ou logifère, puis dit « cette mécanique-là me fait du sens, puis j'aimerais ça être en mesure de l'appliquer. J'aimerais ça la comprendre. » Si l'ego aimerait la comprendre, est-ce que ça facilite le fait qu'il comprenne, qu'il vive plus vite? Ça ne facilite pas. Si l'ego aimerait est-ce que ça nuit? Oui. Et si l'ego veut ne pas comprendre, ça nuit. Puis si l'ego veut comprendre, ça nuit un peu moins. Si l'ego ne serait pas là du tout, si le mental est capable d'être là. Le mental de l'humain est capable d'être ici dans la situation. Il est là quand il est assis, là. Oui, il est là. C'est pas lui qui conduit, puis c'est pas lui qui s'en vient. Non, exactement. Puis quand les individus prennent une pause, quand les individus s'en retournent, eh bien, le moindrement qu'ils sortent le foie sur leur corps physique, c'est l'ego automatiquement qui est là pour commencer à chialer. Bon. L'être humain est comme cela. L'être humain est totalement mort. Pourquoi? Parce que l'être humain ne comprend pas. Exactement comme lorsque l'on dit apprendre que la cigarette c'est dangereux, c'est une chose, puis comprendre que c'est dangereux, c'est une autre chose. Tu peux apprendre l'intelligence d'arrêter de fumer, puis quand tu le comprends, t'arrêtes. Ça s'arrête seul. T'arrêtes pas, ça s'arrête seul. Bon. C'est la même chose pour l'évolution supramentale. Il y a tellement de choses qui sont faciles, tellement de choses qui sont plaisantes, tellement de choses qui sont aisément accessibles, mais l'être humain qui n'a rien compris, puis quand je dis encore qu'il n'a rien compris, on va y revenir de toute façon. On va parler de la deuxième possession supramentale un peu, et puis on va revenir là-dessus. L'être humain qui n'a rien compris, pour comprendre, je vais bien croire, l'être humain va appliquer, mais la problématique, c'est que tant que l'être humain reste assujetti à l'idée que son mental et son astral, c'est la même chose, tant que l'être humain reste assujetti à l'oblitération de son mental par l'expérience, tant que l'être humain est coloré dans son mental par son émotivité, tant que l'être humain se laisse régir par de l'astralité, par de la peur encore la peur de croire, par exemple, une peur, la peur de ne plus croire, c'est la même peur, tant que l'être humain reste assujetti dans son évolution par des mécaniques émotives, nécessairement, il ne peut pas comprendre. Et tant qu'il reste là-dedans, il n'a pas compris. Je prends ton exemple d'arrêter de fumer. que l'ego comprenne et accepte, pas comprenne, mais ait appris et accepte le fait que c'est dangereux pour la santé de fumer. Ça le fait pas arrêter plus vite. Exactement. Est-ce que, dans le même cas, si l'ego disait « Moi, j'aime ça fumer, puis je vais continuer à fumer », est-ce qu'il arrêterait au même moment, de toute façon? Bon, il y a deux lois. Une qui est piscéenne, une qui est aquarienne. La première loi, c'est une loi qui dit que l'être humain ne peut pas s'en sortir avant son temps. La loi aquarienne, c'est que c'est toujours le temps quand l'être humain s'en sort. Laquelle des deux est la bonne? Les deux? Les deux sont bonnes. Ça dépend si tu vis d'une initiation à laquelle on s'assujettit. Est-ce qu'on choisit laquelle? Pas laquelle on s'assujettit, à laquelle on est assujetti. On est assujetti. Oui. Ben, ou on s'assujettit si on l'a choisi. Oui. Regarde, tu dis, bon, je veux arrêter de fumer, j'ai appris tout ce qu'il fallait, mais je n'arrête pas. Exactement. Les individus qui sont sur la corde raide, ils ont tout appris. Ils n'arrêtent pas. Les individus qui chialent, qui se plaignent, les individus qui ne sont pas capables encore d'avoir une santé impeccable, les individus qui n'ont pas... L'être humain qui se conscientise nécessairement devrait être capable de se libérer totalement de la matière. Cela veut dire, dans notre monde, qu'il devra être riche. Mais il devra être riche sans travailler, parce que la richesse, comme je l'ai déjà expliqué, c'est d'avoir le temps et d'avoir l'argent. Avoir uniquement l'argent, c'est pas être riche, c'est être con. Avoir juste le temps, ce n'est pas être riche non plus, c'est con aussi. Il faut avoir les deux. L'individu qui comprend aura les deux, et assez rapidement. Bon, les leçons, lui, un an ou deux, mais quand même assez rapidement. L'individu qui n'a pas compris, il va apprendre. Il va apprendre, il va travailler, il va appliquer tout croche, il ne l'appliquera pas suffisamment, il va se déprimer un peu, il va vouloir recommencer, il va penser que là, il vient de comprendre, il change de cap, il a encore appris, il n'a pas compris. Il vient d'apprendre une nouvelle voie, il va dedans, mais il n'a pas compris, il a appris. Et il a appris à un point tel qu'il ne veut pas comprendre, c'est-à-dire qu'il a appris à un point tel que le peu qu'il a appris, pour lui, c'est tout, c'est toute la mécanique. Alors qu'on doit la vibrer sous un autre niveau. On doit la vibrer sous un autre facteur. Et normalement, l'être humain, par la souffrance de l'astralité, par l'écœurement, la souffrance du mental, l'être humain va finir par comprendre les mécaniques plutôt que de les apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, comprendre une mécanique? Vous savez qu'on va y revenir un peu, je vais quand même faire juste un petit résumé. Ça veut simplement dire d'être instantanément en train de découvrir qu'on est en train de le faire. Là, c'est parce qu'on a compris. Et si on doit faire se motiver à le faire, si on doit s'organiser à le faire, on copie, c'est-à-dire qu'on essaie de s'accaparer des symptômes secondaires de l'évolution, ce qui paraît, alors que dans le fin fond de la chose, on n'a rien compris. On parle un peu de la deuxième possession supramentale. Qu'est-ce qu'elle fait, la deuxième possession? La vraie possession supramentale, c'est pas la vraie. Il y en a une fausse, une vraie, les deux sont vraies. Oui, c'est ça. Il y en a une astralisée et une qui n'est pas astralisée. Celle qui n'est pas astralisée, est-ce qu'elle est mieux dans le résultat que l'autre? Bon, la possession supramentale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que cela fait partie de l'évolution normale de l'humain, c'est-à-dire que la majorité des êtres humains, dans le début, devront passer par cette mécanique. Et s'ils restent dans cette mécanique, on pourra considérer qu'ils sont possédés par l'intelligence supramentale. L'intelligence supramentale, c'est quelque chose, c'est de l'énergie qui contient de l'expérience non planétaire, qui contient de l'expérience créationnelle, de l'expérience qui est apparue dans la matière lors de la création de notre galaxie, entre autres. De l'expérience et des mémoires aussi. Oui, c'est de la mémoire galactique. Mais étant donné que l'être humain dans un corps physique, par la mécanique du système endocrinien, a réussi à, je l'ai déjà inventé, il a créé l'émotivité. Dans la mémoire supramentale, il n'y a pas d'émotivité, ce qui permet à l'humain d'être totalement désassujetti dans sa conscience supramentale de l'astralité, c'est-à-dire de la manipulation par le facteur émotif. Mais ça reste une possession? Ça reste une possession, ça dépend simplement de ce qui se passe. L'être humain qui a un contact avec la mémoire supramentale, donc avec l'énergie supramentale, cet être humain-là va avoir un contact avec ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, qui est un canal qui est identique au canal réincarnationnel, mais qui existe depuis beaucoup plus longtemps que le facteur canal réincarnationnel, donc la corde d'argent. L'être humain qui a un contact avec l'être humain qui reçoit de l'énergie supramentale par l'ajusteur de pensée, reçoit une énergie qui ne connaît absolument pas l'homme. L'énergie supramentale, c'était de l'énergie que dans l'Antiquité, on appelait divine. Mais on pouvait faire référence à l'énergie astralisée, dans le supramental astralisé, donc les dieux que l'être humain a adorés. Et aussi, on peut faire référence à une nouvelle divinité qui commençait à apparaître, comme le dieu chrétien lors du passage du Nazaréen. C'était de l'énergie supramentale pure qui pénétrait le monde de la mort, qui pénétrait la conscience humaine, qui a été sécrétée, digérée et motivisée par l'humain. Et cela a engendré le dieu chrétien, le dieu catholique, que certains humains adorent encore aujourd'hui. Lorsque l'énergie supramentale plutôt traverse le monde de la mort, elle traverse par un canal qui s'appelle l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est une mécanique moroncielle, une mécanique qui existe dans le plan du contexte planétaire. C'est une mécanique d'énergie vitale qui existe dans un monde où il y a la vie sans le corps physique, le monde où vont les âmes après la mort du corps physique et avant de gagner le monde de la mort réelle. Les ajusteurs de pensée peuvent être expérimentés. Un ajusteur de pensée expérimenté est un ajusteur de pensée qui t'a déjà servi dans une vie antérieure et qui connaît suffisamment la mécanique de ta structure psychologique. Il y a des ajusteurs qui sont pré-personnalisés, des ajusteurs qui, présentement, sont créés par le fait que des êtres humains ne se réincarnent plus parce qu'ils ont été digérés dans le monde de la mort et ils se sont fusionnés dans d'autres corps physiques. Il y avait déjà des ajusteurs personnalisés. Les ajusteurs en question sont des ajusteurs qui sont expérimentés, mais qui n'ont pas de personnalité. Ce sont des ajusteurs expérimentés, non personnalisés, pré-personnalisés. Les ajusteurs personnalisés, ce sont des ajusteurs qui sont digérés par l'être humain qui se sert de l'ajusteur. Donc, c'est un ajusteur qui prend totalement la forme de l'être humain, la forme de sa conscience lucide, et cet ajusteur va être les prémices de l'enveloppe du dobétérique. Est-ce qu'entre ces réincarnations, l'humain qui était le détenteur de cet ajusteur de pensée-là, est-ce que l'ajusteur de pensée ne sert plus entre les réincarnations il va servir à quelqu'un d'autre? Oh, il peut servir un petit peu à des individus qui sont vivants, c'est-à-dire qu'il va incrémenter la hauteur de leur ajusteur de pensée, c'est-à-dire la capacité qu'auront les ajusteurs de pensée de certaines personnes de traverser le monde de la mort pour avoir accès à l'énergie supramentale. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a donc différentes formes d'ajusteurs de pensée, et il y a des ajusteurs de pensée qui ne sont pas expérimentés, qui ne sont pas personnalisés, qui, à un moment donné, vont travailler avec un être humain. Et lorsque l'intelligence supramentale traverse cela, l'intelligence supramentale n'étant pas ajustée à l'humain par l'ajusteur de pensée, elle descend et là, elle risque fortement de venir tout détruire ce qui est dans l'humain. Donc, là, on parle de possession supramentale. Normalement, ce genre de phénomène, c'est pas tellement connu. Je ne connais pas personnellement, c'est-à-dire biologiquement, mon corps ne connaît pas des humains à qui ça leur est arrivé. J'en connais énergétiquement. Lorsque l'énergie supramentale traverse un ajusteur de pensée qui n'est pas personnalisé, et on verra comment on peut s'assurer qu'on a un ajusteur de pensée personnalisé. Lorsque l'énergie supramentale traverse un ajusteur de pensée qui n'est pas personnalisé, qui n'est pas expérimenté, il descend à l'intérieur d'un être humain. S'il ne le rend pas totalement fou, ce qui arrive de temps en temps, il va totalement transformer la structure émotive, la structure d'association émotive, ainsi que la structure d'association logique de l'être humain, pour en faire un être humain qui sera une forme de zombie supramental, c'est-à-dire que ça fait de cet être humain quelque chose qui n'a pas de paramètres planétaires et qui, normalement, devient un être extrêmement dur, extrêmement puissant, extrêmement salaud pour les égos des autres. Ce n'est pas un martyr de la transition supramentale, c'est un possédé supramental. Alors, on peut considérer que cet être humain qui, présentement, disons, vient d'être créé, même si le corps était déjà là, je donne un exemple. Il y a un individu que celui est arrivé ici. Je ne le connais pas biologiquement, je le connais énergétiquement. Et il se promenait, la vie était belle, il allait correctement, il conduisait son automobile. Et puis à un moment donné, il a commencé à avoir une possession supramentale, c'est-à-dire que l'énergie qui provenait non pas d'une expérience stellaire reliée à notre système solaire, mais de notre soleil, a traversé un ajusteur de pensée non personnalisé, non expérimenté, ça l'a foudroyé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que ses deux mains ont pris le volant de l'automobile et puis ils l'ont tassé à droite. Le bonhomme s'est ramassé face à face avec le trafic sur la route. Et son égo va pas. Mais il n'y avait rien à faire. Il conduisait face aux automobiles, mais il esquivait les automobiles qui venaient. Enfin, ceux-là aussi. Ceux qui venaient, l'esquivaient aussi. Ça l'aidait. Tout ce que ça disait dans sa tête, c'est que ferme ta gueule, dors, couche-toi, il n'y a pas de danger. Ben, l'individu n'a pas été se coucher. Ses mains travaillaient tout seul. Et il est revenu après un laps de temps sur le bon côté de la route. Il a réussi à arrêter. Et là, il a pris le contrôle de son ego, c'est-à-dire qu'il s'est mis à pleurer, il tremblait. Bon, panique, après. Ça lui est arrivé quelquefois comme ça, des conneries de ce genre. Alors là, il était totalement possédé par une interpère de l'intelligence supramentale qui descend directement en bloc pur à l'intérieur d'un être humain qui a une génétique suffisamment solide pour ne pas devenir fou. Mais évidemment, il a passé proche de devenir fou. Et il a tout perdu. Il a été évidemment sur la corde raide, ça va de soi, il a totalement tout perdu dans l'apparence, parce qu'il a tout gagné maintenant, mais il a quand même tout perdu. Quoi qu'aujourd'hui, c'est pas fini non plus, il ne sait pas encore où il va tout à fait. Et cet individu a été totalement possédé par de l'énergie supramentale. Elle est où l'intelligence de le faire traverser, puis aller dans le sens inverse du trafic? C'est ça l'intelligence supramentale, je vais vous montrer tout de suite. Oui, la seule affaire qu'il y a, c'est que... c'était pour lui faire une initiation rapide? Ou? Oui, c'était pas, c'est ça, c'était pour l'anégoïser. Mais il y a une différence majeure entre un imbécile qui décide de conduire du côté du face au trafic, histoire de voir ce que ça donne pour essayer de s'en égoïser. Il risque de s'en égoïser sérieusement, lui. Et comparativement à l'individu qui, supramentalement, se fait manipuler, il y a une grosse nuance. Bon, c'est justement quel problème? C'est qu'une possession supramentale, c'est qu'on se pose la question, quelle est l'intelligence de faire ceci, de faire cela? Une possession supramentale fait qu'un individu devient totalement possédé. Cela veut dire que l'individu, souvent, va faire des choses qu'il n'aurait jamais fait et des choses qui semblent totalement illogiques, irresponsables, inintelligentes, absurdes. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est que l'intelligence est en train de prendre possession du corps physique, puis elle élimine l'ego, elle élimine tout ce qu'il y a dedans au complet, puis elle prend possession du corps physique. Pour que cela se fasse, il faut que l'ego ait suffisamment peur pour prétendre qu'il meurt lui-même, puis en mourant, il décolle dans le monde de la mort, puis il laisse le corps physique dans les mains de l'énergie supramentale. C'est très intelligent. Quand on n'est pas un humain. Ce qui fait peur à l'ego, pour ce que ça crée. Est-ce qui arrive aussi? De ce fait, l'individu devient... ça va être mon ego, c'est la partie, c'est traversé le sens inverse du trafic. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé, mais j'avais des gyrophares en haut et une sirène en avant. Mais c'est pas pareil. Maintenant, les individus qui sont possédés supramentalement sont les individus qui, finalement, reçoivent une mécanique extraterrestre, c'est de l'expérience qui n'est pas planétaire. Et de ce fait, ces individus, Jean le Baptiste a été un personnage de ce genre. Il y a eu dans le passé quelques personnages de ce genre aussi. Il y en a eu un dernièrement au Québec. Ces personnages sont des personnages qui doivent devenir humains s'ils ne veulent pas totalement être détruits par la puissance, la pression et l'oppression de l'astralité planétaire. Ils doivent devenir humains, sinon ils vont devenir fous. Devenir humain, dans quel sens? Commencer à avoir des émotions? Ça veut dire être capable de faire le parallèle entre l'émotivité humaine, c'est-à-dire être capable de donner un vecteur de modification à l'intelligence pour que l'intelligence finisse par s'ajuster à l'émotivité, c'est-à-dire non pas nécessairement à la copie de l'émotivité que l'on reconnaît dans l'amour psychologique de l'humain puis dans tous les facteurs émotifs de l'humain qui sont totalement sécrétatifs au niveau physique, mais pour que l'intelligence finisse par s'ajuster à un plan bouddhique, c'est-à-dire à un plan de... d'amour gratuit, d'affection gratuite, qui n'a pas de correspondance planétaire parce qu'il est chapeauté par de l'intelligence, c'est-à-dire que l'individu doit absolument donner un cœur à son intelligence. Sinon, l'intelligence va totalement détruire l'individu parce que l'individu va devenir une espèce de virus planétaire et les anticorps astrales vont totalement le démolir. L'individu doit donc, pendant un certain laps d'années, se terrestrifier, c'est-à-dire qu'il doit s'humaniser. L'individu qui, lui, par contre, part d'un contexte solaire, c'est-à-dire que l'énergie supramentale qui, rayonnée par son soleil, vient frapper son ajusteur de pensée, ou l'individu qui a un ajusteur de pensée extrêmement expérimenté et personnalisé, qui est en contact avec le plan supramental, lui, par contre, est totalement humain, d'ailleurs trop humain, même que son humanisme ressemble souvent à de la spiritualité, et cela va faire en sorte que l'individu va normalement passer mieux. Il aura un charisme intéressant, mais au fur et à mesure que l'intelligence supramentale va descendre à l'intérieur de son corps, donc de sa conscience, ce charisme humain va tendre à disparaître pour être remplacé par un charisme supramental qui va de temps en temps ressembler, de plus en plus plutôt ressembler à ce qui, à l'origine, touchait l'autre qui, lui, avait eu une possession supramentale. Autrement dit, il y a des êtres humains qui peuvent être possédés, des implants supramentaux qui peuvent être possédés par de l'énergie humaine. C'est moins dangereux. Et il y a des implants astraux, des êtres humains, qui peuvent être possédés par de l'énergie supramentale. C'est beaucoup plus dangereux. Comment on fait pour personnaliser un ajusteur de pensée? Pour personnaliser un ajusteur de pensée, c'est compliqué à dire parce que c'est extrêmement simple à faire. Pour personnaliser un ajusteur de pensée, il faut que l'être humain comprenne. Ça, c'est déjà très facile à dire. Comprenne quoi? Comprenne. Comprennent la totalité. Mais quand on dit comprendre quoi, on veut dire apprendre quoi? J'aimerais apprendre ce que je dois comprendre. Mais si tu apprends trop, tu ne pourras pas comprendre. Il y a énormément... Bon, je vais te donner une chose. Tout ce que j'ai dit dans mes conférences depuis le début, ainsi que ce que je dis en séminaire, c'est tout ce que j'ai dit sur des choses que ce n'est pas grave si on les apprend, parce que ce sont des choses qui n'ont aucune importance. Bon. Ah, ce n'est pas grave si on les apprend. Je peux tout jeter mes cassettes. Ah, maintenant que tu les as payées. Je peux jeter. Par contre, ça ne veut pas dire que les individus sont faits avoir. Absolument pas. Tout ce que j'ai dit sont des choses qui peuvent être apprises et ce n'est pas important si on les apprend parce que ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Ce n'est pas important qu'on les comprenne. Si j'avais compris à ta première conférence, j'aurais pas eu besoin d'aller aux autres. Tu ne serais jamais revenu. Peut-être tu serais venu me voir moi, mais tu ne serais jamais revenu aux conférences. C'est la différence entre apprendre et comprendre, c'est oui. Ça. Maintenant, l'individu ne peut pas. L'individu peut dire, ah bon, ben moi, je viens plus, comme ça, j'ai tout compris. Non, il a appris que pour faire comme s'il comprenait, il fallait qu'il vienne plus. C'est pas pareil. C'est ça qui est le gros danger de l'individu qui ne comprend pas. L'individu qui ne comprend pas, c'est comme les individus que je connais, puis qui sont toujours en train de chialer, puis qui disaient à un moment donné, « Ah, mon mental est écœuré! » Non, s'il aurait compris, il saurait que le mental, c'est écœuré. Pas le mental n'a pas d'émotion, tu sais, il a appris, puis il a mal appris. Il y en a un, en l'occurrence, qui même on l'a même baptisé, parce qu'il y avait un dessin animé avant qui était le dessin d'une hyène rieuse. C'était toujours en train de dire « Ah, malheur! Ah, misère! » C'était une hyène rieuse. Et puis, bon, ben, l'individu, finalement, c'est quasiment ça. On en a un autre, c'est l'ego du village. C'est compliqué, mais... Ce sont des individus qui n'ont rien compris. Et ils ont de l'ego, ils ont compris des choses. La preuve, ils sont capables de souffrir avec leur ego. Donc, ils ont compris que l'ego n'était pas extrêmement brillant, que l'ego était un imbécile. Ils ont compris suffisamment pour être parlable. Donc, ils ont compris suffisamment pour qu'ils ne puissent pas faire de chute. Mais ils n'ont pas suffisamment compris toute la mécanique pour la simple raison qu'ils sont encore à se demander qu'est-ce qu'ils devraient faire. L'individu qui ne sait pas ce qu'il doit faire dans la vie, l'individu qui ne sait pas ce qu'il doit faire pour la vie, l'individu qui ne sait pas ce qu'il doit faire, c'est l'individu qui n'a pas compris. Et quand on pose la question, qu'est-ce que je devrais comprendre? Tu devrais comprendre. Il n'y a pas qu'est-ce que je devrais comprendre, parce qu'il faudrait que je limite la compréhension. Limitant la compréhension, il faudrait que je t'informe. T'informant, j'engendre un apprentissage. Tu m'apprendrais. Je t'apprends. Et parce que tu apprends, j'ai déjà dit souvent que plus l'être humain apprenait, plus c'était difficile pour lui de comprendre ce qu'il avait appris. C'est pourquoi la majorité des conférences que je vais faire sont des conférences au niveau de l'énergie, ça survolte l'être humain, ça l'énergifie progressivement, ça l'énergise au début. Il peut après ça subir même des chutes en sortant d'une conférence ou après un séminaire où là il est totalement déprimé, simplement parce qu'il y a une différence potentielle, mais ça passe. Par contre... Mais l'individu, comprendre c'est tellement simple, mais on ne peut pas expliquer, on peut, mais c'est stupide d'expliquer à un individu ce qu'il devrait comprendre ou comment il devrait comprendre, parce que maintenant qu'il l'aura appris, il voudra passer à quelque chose d'autre. On va se satisfaire de la réponse de la compréhension. Le problème de la compréhension, c'est que l'individu, une fois de l'apprentissage, qu'une fois que l'individu a appris, puis ça je l'ai dit souvent en conférence, tout en conférence, en conférence privée, c'est que l'individu, on parlerait aujourd'hui par exemple de la manipulation. Imaginez-vous bien que l'être humain est totalement manipulé. Là, il y a plein d'individus qui se disent « Ah, pas encore ça ». Bon, ceux-là, ils ont appris, ils ont tellement appris de foi que là, leur ego dit « Hey, là, ça, je l'ai appris, ça, je le sais, là, tu sais, on peut-tu passer à d'autres choses ?» Mais le gros de la problématique, c'est que est-ce que moi, je vais continuer à faire le pitre, puis à passer continuellement à d'autres choses uniquement pour... m'ajuster à la saveur de certaines personnes qui finalement apprennent mais ne comprennent pas. Si je répète encore une fois que l'être humain est manipulé et qu'un individu dans son apprentissage dit « Ah, pas encore ça », c'est qu'il n'a rien compris parce qu'il est totalement manipulé. Puis il ne s'en rend pas compte. Mais c'est pas ça qui amène à la longue le mental à l'écœurement. C'est ce qui amène lentement le mental à l'écœurement, sauf que ça amène aussi l'individu à abandonner toutes les procédures qui l'amèneraient à l'écœurement. Parce que l'individu qui décide qu'il vient à mes conférences ou qu'il ne vient pas à mes conférences uniquement parce qu'il décide qu'il veut apprendre, donc triper, quand vous comprenez, on ne tripe pas. Quand on comprend quelque chose, on vibre. Mais quand on comprend suffisamment, on ne sait même pas que l'on vibre. C'est de l'humilité totale. Sauf que l'individu qui fonctionne uniquement par l'intellect, l'individu qui est possédé astralo-supramentalement, c'est une possession qu'on peut parvenir évidemment à se libérer. Et là, il faudrait que l'individu éclate. L'individu qui est possédé, cet individu-là, il est toujours à la recherche d'apprentissage. Pourquoi? Sa compréhension étant tellement limitée qu'il recherche uniquement à grossir l'idée qu'il a de la compréhension, c'est-à-dire à augmenter l'expérience, donc à apprendre plus. Est-ce que l'apprentissage en masse, plus on prend d'apprentissage, est-ce que ça ne va pas faire, comme tu disais l'autre fois, il faut monter le niveau de pression interne disons, à 90 avant qu'il y ait l'éclatement? Tout à fait. OK, donc il faut le faire. Non. Là, il faudrait éclater avant. Ça serait plus facile si on éclatait plus facilement. Oui, tu as le choix. Voilà. Il y a une soupape entre l'astral, l'âme et l'ajusteur de pensée. Une espèce de petit clapet. Ce clapet a toujours été équilibré par l'énergie astrale et il ne s'est pas ouvert parce qu'il était contrebalancé par l'énergie supramentale, mais il ne s'est pas ouvert parce que l'astral le contrebalance. C'est pas fermé. Donc, il était fermé. Donc, l'énergie astrale ne sort pas par le canal, puis l'énergie supramentale ne pénètre pas non plus par le canal. Lorsqu'à un moment donné, il y a un peu plus de pression supramentale, le clapet descend un peu, là, il y a un peu d'énergie supramentale qui commence à rentrer. Sauf que l'idée, c'est de parvenir à une chose, à une ou l'autre. Il faut que le clapet soit ouvert comme ça ou ouvert comme ça. Il faut qu'il y ait un contact total entre l'âme et l'énergie supramentale pour permettre la négoïsation, la création du dôme éthérique et l'immortalisation de la conscience humaine. Plus il y a de descente supramentale, plus l'être humain s'écœure psychologiquement, plus l'être humain s'écœure émotivement, donc plus il s'égoïse, plus il s'égoïse, plus il augmente la pression et il ferme le canal. Quand l'ego commence à pousser un peu trop dans son écœurement émotif de l'évolution, il ouvre le canal dans l'autre sens, l'énergie commence à passer, et là, il a une révélation divine. Parce que l'ego est maintenant convaincu que c'est lui qui a ouvert le canal, il pense que c'est lui qui contrôle l'évolution. Bon. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand il a ouvert un peu, ça peut l'être à l'intérieur de lui, et là, ça peut le satisfaire, c'est-à-dire que ça va lui permettre de transformer en émotivité son énergie. Transformant en émotivité son énergie, il baisse la pression dans l'âme, et là, le clapet revient fermé. Si tu t'anégoïses subitement, si tu décides de te laisser, bon, on pourra voir un peu dans la deuxième partie, si tu décides de fondre, de devenir humble, le clapet tombe en dedans, l'énergie supramentale coule immédiatement et t'es libéré. Sinon, il faudra que tu t'écœures suffisamment pour grossir assez, pour l'ouvrir totalement, l'énergie passe à l'intérieur de ça et t'es libéré aussi. Okay. Deux façons de s'en sortir. Oui, la souffrante puis la plaisante. L'humain choisit nécessairement la souffrante parce qu'il trouve ça plus plaisant. Alors, on va faire une petite pause. On prend une petite pause de tantôt. Thank you.